Chapitre 38e. Le colonel accompagna le père R jusqu'au bout de la jetée. Puis, quand le vapeur sortant fin du chenal entra dans la pleine mer en accélérant sa marche, il s'appuya le dos contre la muraille du phare et resta les yeux attachés sur cette grande masse noire qui s'éloignait majestueusement, insensible au mouvement des vagues. Qu'adviendrait-il de ce garçon? D'autres, plus profondément plongés que lui dans le mal, avait été sauvé par le travail. Et pendant que le navire, laissant derrière lui un sillage blanc, s'enfonçait dans l'horizon empourpré par les feux obliques du soleil couchant, le colonel suivit cette pensée. Pourquoi ne serait-il pas sauvé aussi? S'il était le fils d'Antoine, le vrai frère de Thérèse, il devait y avoir en lui un fond d'honneur et de droiture. Il n'avait que 22 ans. Un jour, dans quelques années, il reviendrait sans doute en France, digne de son père, digne de sa sœur. C'était une épreuve qui, jusqu'à un certain point, s'étendait à elle, aussi bien qu'à lui. Ils devaient s'expliquer l'un par l'autre. Qu'allait-il dire de ce départ? Le vapeur, suivant sa route, n'était plus qu'un point sombre qui se détachait sur le ciel rouge. Bientôt, sa coque s'abaissa au-delà de la courbure extrême de l'horizon, et l'on ne vit plus que ses mâts qui semblaient flotter sur la mer. Alors, le colonel quitta la jetée et rentra en ville. À 10 heures, il reprit le chemin de fer. À 4 heures du matin, il était à Paris. À midi, il frappait à la porte de l'atelier d'Antoine. Ce fut Thérèse qui vint lui ouvrir. « Ah, mon cousin !» dit-elle joyeusement. « Quel bonheur !»« Vous venez passer la journée avec nous ?»« Père, c'est mon cousin Édouard !» Et elle le fit entrer dans la cuisine, où Antoine était encore à table vis-à-vis de Soriol, qui, s'étant trouvé en retard, commençait seulement son déjeuner. « J'avais comme un pressentiment, dit Soriol, que vous viendriez nous demander à déjeuner. Soyez le bienvenu, mon cher Édouard. » Et Soriol, enchanté d'avoir un convive qui lui permettrait de manger lentement et de parler longuement, voulut faire place au colonel. Par malheur, son pressentiment le trompait, le colonel avait déjeuné. « J'arrive du Havre, dit celui-ci. « Oh mon Dieu !» murmura Thérèse. Antoine ne parla pas, mais le colonel qui l'observait le vit pâlir. Comme Thérèse, il avait compris ce qu'annonçaient ces simples mots. Pour Soriol, ne devinant rien, il se récria sur l'imprévu de cette nouvelle. « Vraiment, dit-il, il n'y a que les Américains pour se décider ainsi. Vous ne nous aviez pas parlé de ce voyage, et voilà que vous nous annoncez qu'il est accompli. Je regrette que vous ne m'ayez pas prévenu. J'aurais eu plaisir à vous accompagner. Croiriez-vous que je n'ai jamais vu la mer? Cela est pourtant un grand spectacle qui parle à l'âme. » Mais le colonel n'était pas en disposition de prêter une oreille complaisante à ses propos creux. « Je n'étais pas seul, » dit-il. « Anatole ?» s'écria Thérèse. « Je l'ai embarqué hier soir à bord du père R pour New York. »« Ah, mon cousin !» murmura Thérèse. Antoine continua de garder le silence, mais une pâleur mortelle décolora son visage énergique. « Anatole parti pour l'Amérique ?» s'écria Soriol. « Parti sans être venu nous faire ses adieux ?» Voilà véritablement ce qui me surpasse. Et permettez-moi de vous dire, mon cher Édouard, que vous, homme de cœur et d'éducation, vous n'auriez pas dû tolérer un pareil manquement à toutes les convenances. Je dirais plus, à tous les devoirs. Je suis surpris, je suis peiné d'apprendre qu'Anatole a oublié qu'il avait un père, une sœur, un oncle, qu'il avait élevé et qu'il avait donné des leçons dont il ne s'est pas souvenu. Disant cela, Soriol se versa un plein verre de vin qu'il vida, comme s'il voulait refouler l'émotion qui lui montait à la gorge. « N'accusez pas trop, Anatole, » répliqua le colonel. « Il fut sans doute venu vous faire ses adieux si je lui en avais laissé le temps. »« C'est vous qui l'en avez empêché ?» s'écria Soriol. « Je ne l'ai pas empêché. Seulement, quand il m'a parlé de son départ, je l'ai trouvé si irrésolu que j'ai cru que je devais brusquer ce départ, bien certain qu'il n'y avait que ce moyen pour l'assurer. Livré à lui-même, Anatole serait resté à Paris. » « Eh bien, s'écria Thérèse, eh bien, ma chère cousine, je puis vous affirmer que cela eût été mauvais pour lui. D'ailleurs, en agissant comme je l'ai fait, je crois m'être conformé aux intentions de mon oncle. » Sans répondre, Antoine confirma ses paroles par un signe de tête affirmatif. Anatole, à Paris, était entouré de mauvais amis qui l'ont éloigné de cette maison. Il n'y avait qu'un moyen de le soustraire à leur influence pernicieuse, je l'ai employé. Si le médecin, pour le sauver, vous avait dit qu'il fallait lui couper un membre, vous n'auriez pas hésité, n'est-ce pas? J'ai été ce médecin. » Les yeux de Thérèse étaient remplis de larmes qu'elle s'efforçait de retenir. « Soyez persuadée, ma chère cousine, » continua le colonel, « que ceux qui vont en Amérique ne sont pas perdus. Mon père en est un exemple. Pour vous, frappant, il me semble. Et cependant, qui l'attendait lorsqu'il a mis le pied sur la terre américaine? Personne. Il n'avait pour tout capital que ses bras et son intelligence. Ce n'est pas là le cas de votre frère, qui va trouver mon représentant pour le recevoir. Il ne sera donc pas seul. À Paris, je ne pouvais rien ou presque rien pour lui. À New York, à Philadelphie, à Chicago, je peux tout ce qu'il voudra. Il n'aura qu'à étendre la main s'il veut faire fortune. Mon neveu, je vous remercie, dit Antoine d'une voix frémissante. Vous avez été un frère pour lui. Le fait est, dit Soriol, qui abandonnait souvent ses idées pour prendre celles des autres, qu'il défendait alors avec plus d'énergie que les siennes, le fait est que ce voyage peut lui être salutaire. Le spectacle des grandes scènes de la nature a toujours été bon pour une âme souffrante. Quant à moi, qui ai toujours vécu dans la fournaise parisienne, je suis sûr que j'éprouverai un grand bien au milieu des solitudes du Far West, ou à défendre le cours du méchant CB. Il en était resté au nom poétique de Mississippi. Mais le colonel, qui souriait souvent lorsque Soriel lui faisait connaître l'Amérique, n'avait pas en ce moment l'esprit disposé à la raillerie. Il interrompit assez brusquement cette dissertation. « Si votre frère n'est pas venu vous faire ses adieux, dit-il en s'adressant à Thérèse, au moins il a pensé à vous. Et sa dernière pensée au moment du départ a été pour... » Il hésita un moment, ne sachant comment il devait parler à ce père qui se tenait là devant lui, morne et accablé. Mais presque aussitôt il continua. Sa dernière pensée a été pour sa famille. « Bien cela, bien, très bien, » dit Soriol. « Et voici ce qu'il m'a remis pour vous, » continua le colonel en tendant à Thérèse le portrait qu'il avait demandé à Anatole. Elle étendit la main, mais ses larmes longtemps contenues s'échappèrent irrésistiblement. Alors Soriol, avançant le bras, prit le portrait et le regarda. « Il a encore embelli depuis que je l'ai vu. » « Ah, le beau garçon, voyez donc !» Et il tendit le portrait à Antoine. Mais celui-ci, après un moment d'hésitation, détourna la tête. « C'est pour Thérèse, » dit-il. Il se fit un silence pénible pour tous, même pour Soriol, qui claquait de la langue en se frottant lentement les mains de l'air d'un homme qui voudrait parler, mais qui ne trouve rien à dire. « Sévérité trop grande, » dit-il enfin. Et par là mauvaise pour celui qui se l'impose contrairement aux lois de la nature. L'enfant, en partant, a montré qu'il était capable de s'améliorer, et le voulait. Antoine secoua la tête d'un geste désespéré. « Enfin, il est parti !» s'écria Soriol. « Qui sait pourquoi ?» répliqua tristement Antoine. « Attendons son retour pour nous réjouir de son départ. » Pendant que ces paroles s'échangeaient lentement entre les deux beaux-frères, Thérèse avait pris le portrait des mains de son oncle et elle était sortie. Bientôt elle rentra, tenant d'une main un petit passe-partout et de l'autre un marteau et des clous. Contre la cloison en planche qui séparait la cuisine de l'atelier, était accroché son portrait fait du temps où elle n'était encore qu'une petite fille, cheveux courts frisant sur les épaules, physionomie enfantine. Elle s'approcha de la cloison et, décrochant son portrait, elle le remplaça par celui de son frère. Puis, cela fait, elle enfonça un clou à une petite distance sur la même ligne, de telle sorte que les deux portraits se faisaient vis-à-vis. « Je m'ennuyais toute seule, » dit-elle, « comme cela au moins nous nous regarderons. » Mais ce n'était pas seulement le vis-à-vis qu'elle avait cherché dans cet arrangement. Les portraits étaient placés de telle façon qu'Antoine, lorsqu'il était assis à la table, ne pouvait pas lever les yeux sans les trouver devant lui. Comme elle passait près de son père pour reporter le marteau dans l'atelier, il la prit dans ses bras et, l'attirant contre lui, il l'embrassa longuement. Il ne dit pas un seul mot, mais cette étreinte et ce baiser valaient les plus éloquentes paroles. Le colonel suivit Thérèse dans l'atelier. « Ma chère petite cousine, lui dit-il en lui prenant la main, vous êtes un brave cœur. Vous avez trouvé le seul moyen d'adoucir le chagrin de votre pauvre père sans le blesser. C'est bien, très bien. » Elle le regarda, surprise de ce compliment, mais encore plus troublée de l'émotion qu'il avait dans la voix de son cousin. « Je vais emmener père au moulin flottant, » dit-elle. « Voulez-vous venir passer la journée avec nous ?» Il hésita un moment. « Depuis un mois, les fleurs ont poussé. Je suis sûr que les berges de la rivière ne sont qu'un bouquet. Nous retrouverons peut-être notre Martin pêcheur. » et peut-être aussi les étoiles sur la rivière. » Elle rougit et détourna ses yeux, troublée, puis se mettant à sourire. « Et peut-être les étoiles aussi, » dit-elle. Comme il restait sans répondre, « Eh bien, » dit-elle, il avait le temps de réagir contre l'émotion qui venait de le surprendre et dont la vivacité justement lui prouvait combien il était peu maître de lui. Qu'adviendrait-il de cette promenade? Ne l'entraînerait-elle pas beaucoup plus loin qu'il ne voulait présentement aller? Qui le retiendrait? « Je regrette de ne pouvoir vous accompagner, » dit-il enfin, « mais ma journée est prise. Oh, comme c'est mal à vous! Je ne savais pas que vous iriez au moulin flottant, et de plus, je ne savais pas que ce voyage au Havre m'amènerait aujourd'hui chez vous. C'est juste, » dit-elle, « pardonnez-moi, je n'avais pensé qu'à mon père et à moi. » Ils rentrèrent dans la cuisine, et bientôt Antoine et Thérèse furent prêts à partir. Le colonel les conduisit jusqu'à la gare de la Bastille. « Ne venez-vous pas avec nous, mon neveu ?» demanda Antoine lorsqu'il voulut les quitter. « La journée de mon cousin est prise, » dit Thérèse. Une fois encore, il eut un mouvement d'hésitation et ses lèvres s'ouvrirent pour dire qu'il partait avec eux. Mais il regarda Thérèse et elle lui parut si charmante qu'il eut peur de lui et garda le silence. Ils se séparèrent et il resta seul sur le trottoir. Il était de si méchante humeur qu'il repoussa rudement un homme qu'il avait coudoyé. Alors, faisant un signe à un cocher, il monta en voiture. Il y avait course au bois de Boulogne. Il était certain de rencontrer Madame de Lucilière.